Peu à peu, et malgré l'inquiétante renaissance du nationalisme dans l'ex-URSS, les archives s'ouvrent et l'on découvre une partie de la vérité sur quelques affaires retentissantes. Ainsi, ces dossiers sur l'armée rouge que M. X a ouvert pour moi cette semaine. Remontons un peu dans le temps. En juin 1941, lorsque Hitler lance ses troupes contre l'URSS, il obtient rapidement des succès stupéfiants. Les nazis atteindront même les portes de Moscou avant d'être arrêtés puis repoussés. Mais ils vont occuper durablement de vastes pans du territoire soviétique. Et dès les premiers mois de la guerre, des centaines de milliers de soldats sont tués ou faits prisonniers. La puissante armée rouge a cédé facilement, trop facilement, face aux coups de boutoir de l'ennemi. Les maréchaux soviétiques ont semblé incapables de résister. Ils ont accumulé les fautes et leur incompétence a étonné. La raison de cette débâcle s'explique par les purges staliniennes qui ont décapité l'armée rouge 4 ans plus tôt. Les meilleurs officiers ont été fusillés ou envoyés au goulag par dizaines de milliers. Et à l'heure même où il faut se battre contre l'ennemi, l'épuration continue. Les nazis ont donc en face d'eux des troupes mal commandées par des officiers démoralisés. Certains ont été sortis en hâte des camps où Staline les avait fait enfermer, mais la prison les a brisés. Et ils se révéleront bientôt incapables d'affronter efficacement les forces hitlériennes. Il faudra de longs mois avant que de nouveaux officiers sortent du rang et mènent la contre-offensive jusqu'à la victoire de 1945. Ce que l'on sait moins, c'est que cette catastrophique décapitation de l'armée rouge a résulté d'une vaste manipulation. Une opération commencée à Paris et où les services secrets allemands et soviétiques ont joué chacun leur partie. Un mot encore avant d'écouter M. X. Au milieu de cette débâcle de 1941, un général qui a échappé aux purges, Andrei Andreevitch Vlassov, manœuvre avec succès contre les nazis. Mais ce brillant officier, qui a les faveurs de Staline, sera finalement fait prisonnier à cause de l'incompétence de ses pairs. Et il passera aussitôt à l'ennemi. Nouvelle et terrible avanie pour l'armée rouge, mais nous en reparlerons. Pénaud, rendez-vous avec X. On a du mal à imaginer l'ampleur de la purge qui a frappé l'armée rouge dans la deuxième moitié des années 30. Une véritable saignée. La plupart des maréchaux et généraux sont arrêtés et fusillés. On estime qu'entre 35 et 50 000 officiers sont passés par les armes, tandis que d'autres seront dégradés ou envoyés dans des camps disciplinaires. Oui, ça explique enfin, en partie les déboires des soviétiques dès l'attaque de juin 41. Hein. Bien sûr, vous ne pouvez pas en être autrement. C'est donc Staline, qui a sciemment décapité son armée. Oui, Staline, qui était par ailleurs un piètre stratège et qui a multiplié les erreurs pendant la Grande Guerre patriotique, comme disaient les Russes. Ouais. On dit toujours, d'ailleurs, je crois. Ouais. Mais les Soviétiques ont quand même fini par gagner. Sans doute, mais au prix d'un gigantesque sacrifice humain et grâce à l'aide matérielle des Alliés. Passons. Pour bien comprendre cette histoire, il faut mettre en avant la paranoïa du dictateur soviétique. Staline, jusqu'à sa mort, sera obsédé par la trahison. Oui, vous voyez des complots partout. Voilà. Oui, tout le temps. Il avait peut-être de bonnes raisons pour cela. C'est-à-dire Vous savez que de plus en plus d'historiens pensent que dans sa jeunesse, Staline avait fricoté avec la police secrète du Tsar. L'Okhrana. C'est ça. Mm. Donc la trahison, il connaissait. Et au milieu des années 30, il passe à l'action. Mm. Oui, j'imagine que vous voulez parler des grands passés de Moscou. Oui. Oui, ce sont d'abord les cadres de l'économie qui sont visés. Pourquoi cela, d'abord? Ils sont soupçonnés de saboter la production ou encore de dissimuler les capacités réelles de cette production. Puis ce sont les intellectuels et des politiques. Les anciens bolcheviks accusés de comploter ou d'avoir des contacts avec Trotsky sont systématiquement liquidés. Oui, Staline veut se débarrasser de ses anciens compagnons. Oui, ouais. Et après avoir été physiquement et moralement torturé, la plupart de ces hommes reconnaîtront publiquement leurs prétendues erreurs avant d'être mis à mort. C'est ce qu'on a appelé le patriotisme de parti. C'est horrible. De parti, ouais, c'est ça. C'est absolument horrible. Par ailleurs, dans tout le pays, des centaines de milliers, des millions de citoyens sont arrêtés et envoyés au goulag. La police secrète, le NKVD, règne par la terreur. Et personne n'est à l'abri d'une dénonciation. Puis en 1937, c'est au tour de l'armée. Et là, Est-ce qu'il existe une raison particulière? Oui, Staline est persuadé que les militaires complotent contre lui et veulent s'emparer tôt ou tard du pouvoir. Un putsch? C'est ça. Un putsch dont l'instigateur ne serait autre que le plus illustre des officiers supérieurs soviétiques, le maréchal Tukhachevski. Celui qu'on a appelé, si je me souviens bien, le Bonaparte rouge. Exactement. Alors, première question. Est-ce qu'il y avait un début de vérité dans cette accusation? Franchement, je ne le pense pas. Certes, Tukhachevski était loin d'être toujours d'accord avec Staline. Il ne se privait pas de le dire et de lui faire savoir, mais il n'avait pas l'intention de prendre le pouvoir. En tout cas, pas par la force. Attendez, avant d'aller plus loin, quand même. Si le maréchal l'avait voulu, il l'aurait pu. C'est très possible. Tukhachevski était très populaire parmi les militaires. Et s'il avait tenté un putsch, il aurait sans doute été suivi. Alors, Staline n'était peut-être pas aussi paranoïaque que ça. Enfin, je veux dire, qu'il pouvait nourrir légitimement des craintes. Oui, enfin, peut-être, mais même si Tukhachevski avait eu des tentations putschistes, est-ce que sa mise au pas méritait que toute la hiérarchie militaire soit décapitée? Non, il a fallu que derrière cette terrible décision, il y ait eu des arguments autrement plus sérieux. Ah ben, je vous écoute. Auparavant, un mot peut-être sur Mikhail Nikolaïevitch Tukhachevski, qui est au centre de toute cette affaire. Volontiers, volontiers. Le maréchal est né dans une famille de la petite noblesse. Quand? Au début des années 90, 1890, bien sûr. Vous savez pourquoi je m'en souviens? Parce qu'il est né presque en même temps que le général de Gaulle. Quel est le rapport? Tous les deux, pendant la Première Guerre mondiale, seront prisonniers ensemble en Allemagne. Ah. Et ils s'apprécieront mutuellement. Je crois d'ailleurs que le général en parle dans ses mémoires. Faut dire tout de suite que Tukhachevski était un type séduisant et très brillant. Avant la guerre, il était sorti major de l'école militaire. Au reste, c'était un homme très cultivé et un excellent musicien. Vous avez parlé d'une famille noble, là. C'était un handicap dans la nouvelle société communiste qui va s'établir à partir de 1917. C'est juste, mais sa mère était d'origine paysanne. Ah oui, alors ça compensera. En quelque sorte, oui. Enfin, lors de sa captivité, il réussit à s'échapper et revient en Russie en 1917. Et il se met au service de la Révolution? Tout de suite, oui. Parce qu'il considère que la guerre contre l'Allemagne avait été menée en dépit du bon sens et que son pays avait sérieusement besoin d'être réformé. Il n'était pas encore communiste. Mais il a reconnu que l'action de Lénine allait dans le bon sens et il va participer activement à la guerre civile. C'est-à-dire à la lutte contre les armées blanches. Et très vite, il est considéré comme étant l'un des meilleurs officiers de l'armée rouge. Incontestablement, Tukhachevski est un génie de l'art militaire, comme on dit. Ouais, un ambitieux aussi. C'est certain. Et dans une lettre, il se voit comme un nouveau Bonaparte. Ah oui. D'où son surnom, là, le Bonaparte rouge. Oui, oui. Ce qui peut laisser entendre que cette ambition le conduira un jour à essayer de tenter lui aussi son 18 brumaire. Hein. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. En 1920, il s'oppose déjà à Staline. À quel propos, alors? La Pologne. La campagne polonaise où l'armée rouge subit un cuisant échec. Tukhachevski impute alors cette défaite à Staline qui a fait de mauvais choix tactiques. Je vois, Staline n'oubliera pas. Hein. Naturellement. Il était bien connu pour avoir la rancune tenace. Mais à l'époque, c'est encore Lénine qui est à la tête de la République soviétique. La suite immédiate, disons-le franchement, n'est pas très glorieuse pour Tukhachevski. Il participe à l'écrasement des marins mutins de Kronstadt. Puis il commande la répression d'une révolte paysanne à Tambov et fait alors preuve d'une excessive sévérité, utilisant même des gaz pour venir à bout des rebelles. En effet, oui. Et la suite hein? Tukhachevski va gravir tous les échelons de la hiérarchie militaire. Président de l'Académie militaire, général d'armée, chef d'état-major, vice-commissaire à la défense et enfin maréchal. On ne pouvait pas faire mieux et plus vite. Et j'omets volontairement le nombre de médailles qu'on épingle sur son plastron. Ça, c'est une spécialité soviétique, les médailles. Enfin, bon. Mais l'important n'est pas là. Tukhachevski apparaît très vite comme un théoricien incomparable. Il écrit des dizaines et des dizaines de brochures sur la stratégie militaire et il met en avant des idées révolutionnaires. Par exemple? Je ne suis pas un technicien de l'art militaire, mais Tukhachevski prône l'incursion profonde en territoire ennemi d'une masse de blindés, suivie par des unités motorisées protégées par des avions. C'est exactement la tactique des Allemands en 1940. Hein? Et c'est aussi ce que préconise en France un certain général de Gaulle. Et comme le général, Tukhachevski ne sera guère écouté dans son propre pays. Ni Staline, ni son âme damnée, le maréchal Vorochilov, ne retiendront cette doctrine. J'ajoute que Tukhachevski comprend également que dans l'avenir, les troupes aéroportées joueront un grand rôle. Mais il faudra attendre les premiers revers de 1941 pour qu'enfin, on applique les préceptes de Tukhachevski, surtout à partir de 1943. Ouais. Alors, si je comprends bien, ça fait un deuxième sujet de conflit avec le petit père des peuples. Oui, et ils ne seront pas les seuls, vous allez le voir. Mais avant d'y venir, je voudrais m'attarder sur un point capital et qui, malheureusement, jouera un grand rôle dans le destin tragique de Tukhachevski. C'est celui de la coopération militaire entre l'Allemagne et l'URSS. Une coopération secrète qui va être menée tambour battant par le maréchal et contribuera à sa perte. Avec X. Qui était Mikhaïl Nikolaïevitch Tukhachevski? Dans un livre paru en 1996, Sophie de Lastour en dresse le portrait suivant. Le visage large, la chevelure sombre et luxuriante, les yeux gris, légèrement en amande avec un reflet laiteux autour de l'iris, les paupières un peu lourdes, les sourcils sombres et harmonieusement arqués, le nez à peine épaté, le teint coloré, la bouche charnue et sensuelle, Mikhaïl avait un physique attirant. De taille moyenne, ses épaules athlétiques lui donnaient une apparence sportive et sûre de lui, que venait confirmer une voix de basse agréablement timbrée et mélodieuse que certains qualifiaient d'envoûtante car légèrement mélancolique dès qu'il arrêtait de donner des ordres ou de participer au combat. Et plus loin, elle ajoute, il était cultivé, polyglotte, brillant et plein d'humour, c'était certainement l'officier russe le plus compétent de sa génération et l'un des hommes les plus intelligents du régime. Il avait voyagé, connaissait très bien l'Allemagne et son armée. Il était de loin le plus capable de préparer l'armée rouge à une éventuelle menace nazie. Ainsi, sa situation était des plus menacées tant par Staline que par Hitler. En 1935 et 1936, il était incontestablement l'homme le plus expérimenté pour galvaniser les forces militaires soviétiques. Il était d'ailleurs terriblement populaire dans les rangs. Stephen Koch n'hésite pas à employer le très expressif terme anglais de « tremendously popular ». Le livre de Sophie de Lastour a été publié par Alain Michel. Alors, poursuivons là, à propos de cette politique de coopération militaire entre l'Allemagne et la jeune URSS. Mais ça a commencé très tôt, dès 1921 en fait. Oui, alors que Lénine vit encore. Hein. Et c'est lui, malgré l'opposition d'un certain nombre de dirigeants bolcheviques, qui initie cette politique. Car les deux parties ont chacune quelque chose à y gagner. Ah, expliquez alors. À la suite du traité de Versailles, les forces armées allemandes ont été contraintes à faire de gros sacrifices. Limitation du nombre de soldats, interdiction de construire des chars et des armes offensives, réduction de la flotte, etc. Quant à l'URSS, elle a absolument besoin de réorganiser l'armée rouge. Et puis, il y a la Pologne, indépendante, qui représente une menace tant pour les Allemands que pour les Soviétiques. Alors, très vite, on conclut un accord. Dans quel terme? Les deux pays conviennent de créer un groupe industriel privé et secret chargé de concevoir et construire de nouveaux armements sur le sol soviétique. Alors, ces armements-là, justement interdits par le traité de Versailles. Exactement. En même temps, on coopère dans tous les domaines militaires. Formation des officiers, échange d'informations sur les armes nouvelles, contact permanent entre les deux états-majors. Et c'est Tukhachevski qui va, du côté soviétique, organiser cette collaboration. Il est germanophile? Non, pas plus que Lénine d'ailleurs. Mais Tukhachevski ne voit que des avantages à cette coopération qui va permettre à l'armée rouge de devenir une vraie armée moderne. Oui, à l'Allemagne de reconstituer ses forces. Malheureusement, oui, en toute illégalité internationale. Les Allemands ont par exemple pu construire de nouveaux avions sur le sol soviétique. Ça veut dire en tout cas que le maréchal Tukhachevski noue de nombreux contacts avec les Allemands. Et il se rend à de nombreuses reprises à Berlin. Il visite des usines d'armement, assiste à des manœuvres, enfin bref, c'est l'entente cordiale. Et entre militaires, on fraternise. Oui, mais quand Hitler arrive au pouvoir en 1933... Les choses vont se compliquer, les rapports peu à peu se distendent. À cause de l'antagonisme idéologique entre les deux systèmes? Non, Staline, tout autant que Hitler, est un pragmatique. Seulement, c'est vrai, alors que les communistes vont bientôt se lancer dans une gigantesque campagne antifasciste, une collaboration avec Berlin devient embarrassante. En effet, oui. Mais il faut rappeler que dans la phase de la montée au pouvoir du nazisme, Moscou a laissé tomber les socialistes allemands qu'il jugeait beaucoup plus dangereux que les nazis. Ouais, et puis il y aura plus tard, en 1939, le pacte germano-soviétique. Ouais, en fait, Staline n'a eu de cesse de vouloir se rapprocher de Hitler et de conclure un accord avec lui. Je sais, mais fondamentalement alors, pour quelle raison? Parce que le dictateur soviétique voulait que Hitler attaque le camp occidental. Ah oui, pour faire le travail à sa place, en somme. Je le pense, oui. Et c'est pourquoi jusqu'au bout, il n'a pas voulu prendre au sérieux la menace allemande et que l'opération Barbarossa le prendra au dépourvu en 1941. N'allons pas trop vite. Oui. Les chefs militaires des deux pays, là, comment prennent-ils l'abandon de la coopération militaire ? Ah, mal, très mal, parce qu'ils jugent que cette coopération a été très positive dans tous les domaines. Et Tukhachevski lui-même, alors ? Il est d'abord très déçu. Ouais, alors il va le faire savoir. Naturellement, comme à son habitude, mais il va rapidement évoluer. Pourquoi ? Bah, parce qu'il prend progressivement conscience du danger que représente l'Allemagne hitlérienne. Il y a d'abord la signature d'un pacte de non-agression entre l'Allemagne et la Pologne, qui est l'ennemi héréditaire de la Russie. Ensuite, il y a la décision de Hitler de ne plus respecter les limitations exigées par le traité de Versailles. Le Führer, en décidant de réarmer son pays, sera forcément tenté un jour de se servir de cette armée nouvelle et puissamment motorisée. Et il pense que l'URSS pourrait être un des premiers objectifs de Hitler. Oui. Par conséquent, il met en garde sa ligne devant cette menace. Il faut nouer des alliances à l'Ouest. Mmh. Avec la France ? Et la Grande-Bretagne. Et Staline, l'entend-il ? Non, je vous l'ai dit, il veut arriver à un accord avec Hitler et il travaille secrètement. Parce qu'à aucun moment, il ne pense que Hitler finira par l'attaquer. C'est la vérité. Et Tukhachevski le paiera très cher, car il n'a pas l'intention de rester silencieux. Mais sait-il, lui, que Staline veut à terme signer un pacte avec Hitler ? Il doit le deviner, en tout cas. Et je suis presque certain qu'il n'ignore rien des contacts clandestins qui existent entre un affilié de Staline, Karl Radek, et un important agent des services secrets allemands, le colonel Nikolai. Un homme qui était sans doute un agent double travaillant aussi pour les soviétiques. Ouais, donc un homme, ce Nikolai, là, qui avait tout intérêt à ce que les deux dictateurs se rapprochent, ces deux employeurs. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, Tukhachevski franchit le Rubicon, si j'ose dire. Et en 1935, il publie dans la Pravda un retentissant article où il dénonce les intentions bellicuses de Hitler et dresse un état des forces allemandes. C'est sans doute un peu exagéré, mais ça fait peur. Le résultat, c'est qu'à Berlin, mais aussi au Kremlin, on est furieux. Bah, c'est le but, non, pour suivre. Incontestablement, oui. Donc, dès 1935, Tukhachevski gênait. C'est évident, mais le maréchal ne veut pas en rester là. Au fond, c'est une sorte de croisade qu'il entend mener. Une croisade contre Hitler. Et les dangers qu'il représente. Bah, il est relativement en avance, parce qu'à l'époque, en Europe, peu de gens s'inquiètent. Et il y en a même beaucoup qui se félicitent de voir un dirigeant allemand mener une politique résolument anti-bolchevique. Entre Staline et Hitler, ils ont déjà choisi. Ouais. Alors, cette croisade... En 1936, Tukhachevski se rend à l'Ouest. D'abord en Grande-Bretagne, puis en France. Et naturellement, étant donné son rang et son prestige, il est reçu par les plus hautes autorités militaires de ces pays. Ouais. Et il va essayer de les convaincre de la menace hitlérienne. Bien sûr. Avec quel résultat ? Oh, médiocre. Très médiocre. Les Britanniques ne sont nullement persuadés de la dangerosité nazie. Et en outre, ils pensent que Tukhachevski bluffe et exagère. Mmh. Et en France ? C'est pareil. C'est à peine si le chef d'état-major, le général Gamelin, l'écoute. Nos grands chefs, tant militaires que politiques, dont le maréchal Pétain, sont alors persuadés de l'invulnérabilité de l'armée française. Quant à Mein Kampf, ils ne l'ont même pas lu. Oui, ça veut dire que Tukhachevski prêche dans le vide. Oui, et la seule satisfaction de Tukhachevski lors de son voyage en France, c'est qu'il a pu rencontrer quelques-uns de ses anciens compagnons de captivité en Allemagne, et parmi eux, le général de Gaulle. Ah oui. J'imagine que Staline a dû obtenir un rapport sur tous les entretiens de Tukhachevski avec ses autorités britanniques et françaises. Forcément. Le maréchal soviétique était accompagné d'anges gardiens du NKVD chargés de le surveiller. Et là encore, Tukhachevski le savait ? Évidemment. Il était bien placé pour connaître le système de l'intérieur. Mais à l'époque, il pensait à tort qu'il était intouchable. Grave erreur. Pour Staline, nul n'était à l'abri, pas même le numéro 1 de l'armée rouge. Alors... Tukhachevski a péché par orgueil ? Sans doute, oui. En fait, il a sous-estimé à la fois la folie destructrice de Staline et la détermination de ceux qui voulaient sa perte. Rendez-vous avec X. Alexandre de Maranche, ancien patron de notre service de renseignement, le SDEC, a préfacé le livre de Sophie de Lastour que j'ai précédemment cité. Il affirme, je le cite, que... Dès le début des années 30, Tukhachevski écrivait que l'ennemi numéro un était l'Allemagne, laquelle se préparait intensément à une nouvelle guerre mondiale, en premier lieu contre l'Union soviétique. Il va de soi que les projets impérialistes de Hitler n'ont pas pour seul objectif l'antisoviétisme, cet aspect est aussi un paravent commode pour des visées revanchardes à l'Ouest. Mais dans un autre passage, Maranche souligne aussi la naïveté politique de Tukhachevski. Tukhachevski était plus à l'aise dans la guerre sur le terrain que dans les arcanes de la guerre secrète. Ses héros étaient Alexandre, César ou ou Napoléon, des capitaines doublés de chefs politiques. Il ambitionnait que le stratège militaire se confonde en lui avec le stratège politique. Il fut l'un au détriment de l'autre et mourut de n'avoir pu être les deux. Ce qu'il concevait comme du domaine du politique ne ressemblait pas à toutes les intrigues montées par Staline. Il avait trop l'expérience des surprises du régime pour s'étonner de ses coups fourrés et se tenait volontairement à distance de milieux qui cultivaient le renseignement intérieur comme une fleur vénéneuse, faisant rimer délation avec goulag. Il répugnait aux enquêtes, à la surveillance maladive des citoyens et se désintéressait avec une ostentation méprisante de toute dénonciation qui ne toucha au monde strictement militaire. Dans cette affaire, je n'ai qu'un doute. Qui a pris l'initiative ? Soyez plus clair, là. De qui voulez-vous parler ? De Hitler ou de Staline. C'est-à-dire l'initiative de faire tomber Tukhachevski ? Oui. Et je vous ai expliqué pourquoi le maréchal soviétique exaspérait l'un et l'autre. Alors, je reprends votre question. Qui ? Vous m'avez rarement habitué à avoir des doutes. Écoutez, je n'avance que ce dont je suis sûr. Alors, lancez-vous, là. Eh bien, je crois que c'est Moscou. Staline voulait à tout prix se débarrasser de cet aristocrate arrogant qui, en raison de sa popularité, représentait un danger pour lui. Alors, sur ses ordres, la police politique, le NKVD, va donc monter un piège particulièrement subtil. Allez, racontez-moi ça. Étrangement, tout commence à Paris. Paris, pourquoi Paris ? À cause de la présence dans notre capitale d'un certain général Skoblin. C'est un nom qui me dit quelque chose. On avait déjà beaucoup parlé de lui quelques années plus tôt à propos de la mystérieuse disparition d'un général russe blanc, Koutiepov. C'était le chef d'une organisation d'anciens militaires exilés qui avait combattu contre l'armée rouge, le ROVS. Mmh. Et Skoblin avait quelque chose à voir avec la disparition de ce général, Koutiepov ? Skoblin, membre dirigeant de cette même organisation, a en effet été soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement. Mmh. Pour une raison précise ? La police française qui a enquêté sur cette affaire a été étonnée par le train de vie du général Skoblin. Et il se murmurait que ce dernier était rétribué par les services soviétiques. Mais Skoblin, si je peux dire, a été blanchi par ses pairs et il n'a plus été inquiété par la police. Alors, selon vous, qu'est devenu ce Koutiepov là ? Bon, selon toute vraisemblance, il a été kidnappé par des agents de Moscou. A-t-il été tué ou est-il mort d'une attaque au cours de son enlèvement ? Je ne sais pas. En tout cas, il a été découpé et enterré quelque part dans la banlieue parisienne. Mais revenons à Skoblin. Mm-hmm. C'était réellement un espion soviétique. Le NKVD avait en effet infiltré les organisations de Russes blancs. Enfin, ce n'est pas tout. Mmh. Que voulez-vous dire alors ? Skoblin travaillait aussi pour les nazis. Joli personnage. Ouais. Et le plus étonnant, c'est qu'on savait très bien à Moscou que Skoblin était un agent double. Et c'est pour cette raison qu'on va faire appel à lui. Son officier traitant du NKVD se rend à Paris et lui expose sa mission. Il doit aller à Berlin et rencontrer le chef du SD, le service de sécurité du Troisième Reich, Reinhard Heydrich. Mmh. Et il fera part d'une information explosive. Des maréchaux et généraux soviétiques préparent un attentat contre Staline. Ah, l'information est en effet exceptionnelle, mais au fond, en quoi peut-elle être utile à Berlin ? Pour pimenter la sauce, Skoblin ajoute que ces comploteurs sont en relation avec des officiers supérieurs allemands. Et il suggère que l'intérêt du Troisième Reich serait effectivement de donner un petit coup de main à ces hommes. Pour se débarrasser de Staline ? Oui, oui, oui. Mmh. Bon, au fond, effectivement, c'est une bonne opération pour Hitler, non ? Je ne pense pas. Les deux dictateurs ont besoin l'un de l'autre. La présence de l'un justifie la politique de l'autre. Et puis, je vous l'ai dit, ils ont déjà commencé à se rapprocher. En outre, Hitler pense, non sans raison, qu'un putsch militaire à Moscou pourrait donner des idées à ses propres généraux qui sont loin d'être tous acquis au nazisme. Mmh. Bon. Alors, que faire de l'information explosive là, de Skoblin ? Et Heydrich a une autre idée, beaucoup plus vicieuse. Connaissant la nature soupçonneuse de Staline, pourquoi n'informerait-il pas indirectement le maître du Kremlin qui ne manquerait pas de réagir avec sa férocité coutumière ? Et qui se livrera à une purge au sommet de la hiérarchie militaire, ça, une purge qui affaiblirait durablement l'armée rouge. Vous avez tout compris. Mmh. Bah, ça veut au moins dire que Heydrich croit, lui, à l'information de Skoblin. Oui. Mmh. Mais, attendez, comme vous m'avez dit que l'information venait directement de Moscou, ça signifie que le NKVD avait prévu la réaction de Reinhard Heydrich. Indubitablement. Et le chef du SD va se mettre immédiatement au travail. L'objectif, c'est de préparer un dossier contre Tukhachevski, qui est, selon Skoblin, l'âme du complot. Mmh. Un dossier de quelle nature ? La clé de l'accusation contre Tukhachevski, c'est son éventuelle complicité avec des généraux allemands. Par conséquent, il faut donner une base concrète à ce soupçon. Et les services de Heydrich disposent de documents qui pourraient leur servir à conforter cette accusation. Quel genre de documents ? Dans les archives de l'armée allemande, il existe beaucoup de documents signés de la propre main du maréchal Tukhachevski. Ah oui, des documents datant de l'époque où l'armée allemande et l'armée rouge coopéraient étroitement. Oui, mais il suffirait donc de procéder à quelques falsifications pour actualiser ces documents. C'est ce que les services de Heydrich, qui comptent quelques faussaires habiles, vont faire. Mmh. Une falsification suffisamment crédible ? Évidemment. Mmh. Mais ensuite ? Il faut que ce dossier arrive jusque dans les mains de Staline. Hein. Et là encore, Heydrich doit jouer habilement. Il faut trouver un intermédiaire. Un ou des intermédiaires. Ça commence par des rumeurs. Dans les cercles du pouvoir, à Paris, à Prague, on apprend qu'un complot militaire se trame contre Staline. Et dans les deux capitales, on communique l'information au personnel diplomatique soviétique. Pourquoi ? À Paris, on désire nouer une alliance militaire avec Moscou. Et c'est le ministre de la Défense, Édouard Daladier, qui aurait pris l'initiative d'informer l'ambassadeur soviétique à Paris. À Prague, c'est encore plus évident. Le président Beneš, qui se sent menacé par les visions expansionnistes de Berlin, a très envie de faire plaisir à Staline. Oui, ça se comprend. Ça met le dossier lui-même, alors. Il arrive mystérieusement dans les mains de Beneš et il est directement transmis à Moscou. Ce qui est assez, tragicomique dans cette affaire, c'est que Staline n'avait nullement besoin d'être convaincu, puisque c'est lui qui avait piloté au départ toute cette machine. Sans doute. Mais pour mieux confondre Tukhachevski et ses amis, il avait besoin de documents. Mais ces services secrets, là, n'auraient-ils pas pu confectionner eux-mêmes ces faux ? Difficile. Il lui fallait des documents provenant directement de l'armée allemande. Des papiers qui mentionnent que la conspiration touche une grande partie de l'armée rouge. Oui, de vrais faux documents. Quoi. Et qui pourraient servir éventuellement de preuve devant un tribunal, vous avez compris ? Oui, mais enfin, ça me semble quand même diablement compliqué. Peut-être, mais ça va être terriblement efficace. Les faux ont dû être fabriqués au début de l'année 1937. Au mois de mai, le maréchal Tukhachevski est limogé et envoyé comme commandant d'une région militaire éloignée de Moscou. Ouais, ça, c'est un camouflet. Oh, hein. C'est évident. Ouais. Ouais. Mais au fond, pourquoi ne pas l'arrêter tout de suite hein? Parce que Staline s'est peut-être pris à son propre jeu. Au fond, il n'est pas tout à fait sûr que ce complot qu'il a inventé n'existe pas en réalité. Et avant de frapper un grand coup, il isole Tukhachevski en l'envoyant en province. De peur que le maréchal ne se décide à soulever les troupes en sa faveur ? Je le pense, oui. Et 15 jours après, le maréchal et plusieurs autres dignitaires de l'armée rouge sont officiellement accusés d'être d'infâmes traîtres qui conspirent contre l'URSS en collaboration avec l'état-major allemand et la Gestapo. Leur objectif est de renverser le camarade Staline. Alors, ils sont tout de suite arrêtés. Bien entendu. Ils sont longuement torturés car on veut obtenir des aveux. Leurs familles sont aussi menacées. Tukhachevski craque ? Oui, mais lors de son procès, il reviendra sur ses aveux extorqués sous la torture. Il aura même le courage d'accuser Staline, ennemi du peuple et de l'armée rouge. Le procès est public ? Non, il se déroule à huis clos. Et suprême machiavélisme de Staline, les juges seront d'anciens compagnons d'armes des accusés. Des hommes terrorisés qui n'oseront pas désobéir au maître du Kremlin et prononceront donc des condamnations à mort. Condamnations immédiatement suivies des faits. Alors, c'est là que commence le début de l'épuration dans l'armée rouge. Oui, une purge insensée, terrible. Mais je vous en ai donné les chiffres au début de cette conversation, inutile d'y revenir. Même les familles de ces officiers seront persécutées, quelquefois même exécutées. Alors bon, un grand vainqueur de cette affaire, c'est Hitler, non ? Bien sûr. En donnant un petit coup de main à Staline pour se débarrasser de Tukhachevski et ses amis, il a obtenu la décapitation de l'armée rouge et il saura en profiter en juin 1941. Mais j'imagine qu'il ne s'attendait certainement pas à ce que Staline aille si loin. Ouais. Cette affaire explique donc les revers de l'armée rouge en 1941. C'est certain, oui. Mmh. Staline est le premier coupable. Et je voudrais ajouter un élément qui vient confirmer tout ce que je vous ai dit. Peu de temps après le commencement de l'épuration, le général Miller, chef de cette organisation de Russe Blanc, le ROVS, disparaîtra à son tour en plein Paris. Ah bon, comme Koutchepov. Oui, sans doute avait-il découvert les manigances de son adjoint, le général Skoblin. Peut-être avait-il même percé les secrets de la manipulation montée contre Tukhachevski. Il devait donc disparaître. Mais on sait ce qui lui est arrivé ? Oui, avec la complicité de Skoblin, il a été conduit au Havre par ses ravisseurs. Et là, on l'a embarqué sur un navire commercial soviétique qui n'a pas tardé à prendre la mer, direction l'URSS. Après, on ne sait pas. Mmh. Et l'agent double Skoblin lui-même, alors ? Il partira en Espagne. En pleine guerre civile, donc ? Oui, il disparaîtra à son tour, vraisemblablement éliminé par des agents soviétiques, parce qu'il en savait trop. À samedi prochain, pour un nouveau récit consacré à un autre général soviétique épargné par la Grande Purge, Vlassov, officier émérite et courageux, lui aussi très populaire, mais qui, fait prisonnier par les Allemands, n'hésitera pas à tourner kazakh et rejoindra le camp hitlérien afin de lutter contre l'armée rouge. Donc à samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir des renseignements discographiques et bibliographiques. Merci Patrick.